Mais sans la touche ta michetonneuse, voilà, elle sert à rien. J'ai ton avocat commis d'office, putain, il sert à rien. Au parloir, ta mère t'aime, crois-moi, même si elle dit rien. Ma chair en l'air contre le système, au Sénat, ça parle pour rien. Cette suite, j'ai connu la grosse misère, au quartier, j'suis parti de rien. Galère sur le terrain, lever la bécane en I, faire des courses poursuites sans frein. Mes keufs me questionnent, me menacent, c'est peine perdue, non, j'dirai rien. Dormir sur un banc à Montparnasse, plus de shit, rater le dernier train. J'fais du bif en bois, des mandats cash au bled, le rap, j'm'en bats les reins. On récolte ce que l'on sait, mais ça, je sais, j'fais du blé, j'veille au grain. Envoie la checker le tagine de mon frère, j'suis fier d'être africain. Et si j'pars d'une balle dans le dos, ma fille ne pleure pas, dis-toi, c'est le destin. Tu sais pas ce qu'une femme est capable de faire pour une paire de Louboutins. Tu sais pas ce qu'un gars est capable de faire pour se mettre bien entre deux seins. Souvent quand on est à la craie blanche, moi j'vais pas te faire un dessin. Écrivain, j'ai fait des millions avec un stylo, mine de rien. Et sa bibi, et sa bibi, sur le terrain, ça tire pour rien. Lamborghini, Lamborghini dans le garage, mais plus rien pour mettre le plein. Ça descend broliqué, et si les keufs t'allument, tu t'éteins. Grosse embrouille, et si ton pote Hare, boula, il sert à rien. Tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien. Je vais te pendre avec ma Salvatore Faragamo. J'fais plus de bif que le 6 gros de ton 6 gros. Tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien. Je vais te pendre avec ma Salvatore Faragamo. J'fais plus de bif que le 6 gros de ton 6 gros. J'ai pas perdu mes valeurs et mes principes face au showbiz et son gratin. Ma belle les foutes, c'est comme la Française des Jeux. Tu te mets bien si t'en grattes un. Quand les stupes frappent à la porte, regrette les magnums et les chambres en méridien. Et si je piétine pas ce fils de pute, c'est que je veux pas tâcher mon tout nouveau jean Balmain. Pendule à l'heure, j'ai MT Master 2 au poignet du numéro 1. Quoi de neuf, funny, babe, j'allais percer mon mort au Marie Cabet de l'instinct. Ces rappeurs ont fait à peine 6 mois, à les entendre, ils ont fait 20 ans plein. Je t'ai dit, c'est le placard ou le luxe, mon fils, tu seras riche ou orphelin. Tu fais la chaudasse sur le net, mais en face tu bégayes, tu parles en latin. Dans la new school, y'a que des gros fans, et moi j'ai le flow à Jacques Martin. J'tiens les piliers, puis les murs, au cas où les anges m'appellent demain. Ma, allez, j'te serre la main, même si tu sers à rien. Tu sers à rien, tu sers à rien, Salvatore. Tu sers à rien, tu sers à rien, Salvatore. J'vais te pendre avec ma Salvatore Faragamo. J'fais plus de bif que le 6 gros de ton 6 gros. De ton 6 gros. Tu sers à rien, tu sers à rien, Salvatore. Tu sers à rien, tu sers à rien, Salvatore. J'vais te pendre avec ma Salvatore Faragamo. Faragamo. J'fais plus de bif que le 6 gros de ton 6 gros. Wesh ma gueule à la tienne, plein de billets verts, pourtant j'ai pas signé chez Saint-Etienne. Fais pas l'overtray. Si ta meuf dans les chichas sus pour un caisse d'essay. Tu bouges pas, non tu sers à rien. T'as pas de feuilles, non tu sers à rien. Quand on fume ta beuh, on ne tousse pas. Ta meuf ne pompe pas, vous servez à rien. Rap français, je fais l'amour. Je partirai au sommet comme Achour. Des fourrailles sur les hnouchas. C'est pour mes miss mourtes comme Foja. Si tu donnes des tuyaux comme Huggy, Huggy, ne crois pas qu'on va serrer ta putain de main. Comme dans rap français, je sais pas si t'as vu. Y'a toujours un mec dans le groupe qui sert à rien. Tu sers à rien, tu sers à rien, Salvatore. Tu sers à rien, tu sers à rien, Salvatore. Je vais te pendre avec ma Salvatore Faragamo. Faragamo. Je fais plus de bif que le 6 gros de ton 6 gros. De ton 6 gros. Tu sers à rien, tu sers à rien, Salvatore. Tu sers à rien, tu sers à rien, Salvatore. Je vais te pendre avec ma Salvatore Faragamo. Faragamo. J'ai plus de bif que le 6 gros de ton 6 gros. Salvatore. Yeah. C'est de ces 4 1 le chargeur parle, les pneus crissent. Hey yo, Scope, j'crois que le All F a repris du service.